Fracture psychologique et conscience lucide, c'est le sujet qui va être abordé dans le cadre de cet enregistrement. Donc, la personne qui parvient à un niveau de conscience différent de l'intellect, ce que certains vont appeler la conscience au-delà de tout, la conscience supramentale, c'est en relation avec la traversée d'une crise psychologique où la personne ne va pas se suicider. Et elle va être confrontée à un état altéré de conscience dans le cadre de cette crise. Un psychologue ou un psychiatre praticien pourrait dire que la personne entre en état de psychose et qu'elle va entendre des voix. Et c'est sûr que si on fait une lecture différente, bon, on va dire ben la personne, elle vit une déstructuration de son intellect, de son mental, et elle va entendre la voix de son esprit, ce que certains vont appeler le double éthérique, l'ajusteur de pensée. Il y a différents vocables pour parler de cet élément-là. La distinction entre la psychologie conventionnelle et la psychologie vibratoire pour appréhender le phénomène, c'est que la psychologie conventionnelle va partir du prémisse que toute personne qui entend des voix, ben, c'est des hallucinations, et que la voix est le produit, par exemple, de l'individu qui est mystifié par une partie de lui-même qui lui échappe dans le cadre d'un processus de dépersonnalisation. Donc, si on prend le terme schizophrénie sur le plan étymologique, c'est schizo, ça veut dire coupé. Donc, si la personne est coupée d'une partie d'elle-même puis est mystifiée, un peu comme la personne, si on le prend sur le plan psychanalytique, où le conscient est coupé d'une dimension inconsciente ou du matériel est refoulé, bon, ben, si la personne est coupée d'une partie d'elle-même, elle peut vivre des états, par exemple, de tristesse, d'anxiété, etc., mais ne pas comprendre d'où ça provient. Pourquoi? Parce que la nature des traumatismes relatifs à ces états lui est masquée à son conscient, car trop souffrant d'en être lucide. Donc ça, c'est l'interprétation psychologique du phénomène. Donc la voix est vue comme étant le produit d'une hallucination en fonction d'un état altéré de conscience qu'on va nommer dans le jargon technique une psychose. Mais vu autrement, c'est la personne qui entre en contact avec son esprit ou ce que certains vont appeler sa contrepartie cosmique si on a une conception de l'être humain au-delà du corps physique, biologique. Et ce qui est intéressant de voir dans l'époque actuelle, c'est que, à quelque part, la science de la psychologie conventionnelle plus associée au matérialisme versus ce qu'on va appeler la science de l'esprit, ben, on peut voir que, à quelque part, il y a un pont qui peut être établi dans le sens que, par exemple, d'un côté, on va reconnaître qu'il y a un état altéré de conscience qui peut être connu chez quelqu'un qui est en état de psychose. Et en même temps, on peut reconnaître simultanément qu'il y a un état altéré de conscience chez quelqu'un qui pratique, par exemple, le chamanisme. D'ailleurs, les travaux de Corinne Sombrun, qui, elle avait fait des recherches en Mongolie à titre de reporter et a étudié le chamanisme pratiqué dans ce pays-là de long et en large, a animé des ateliers, elle a collaboré aussi avec des chercheurs européens. Et puis, ce qui est intéressant de ce que je comprends de ses travaux, c'est qu'elle est venue à la conclusion que le chaman qui va entrer en transe a un ELTO qui peut être mesuré avec un électroencéphalogramme, où on met des électrodes sur le cerveau pour détecter son activité électrique, que finalement, l'activité électrique d'un chaman en transe est similaire de ce qu'on va appeler d'une personne qui entre en psychose, comme par exemple un schizophrène. Donc, ce que ça veut dire, c'est que d'un côté, si on a une perspective matérialiste sur le phénomène, on va dire ben, la personne entre en psychose ou elle entre en transe, on peut détecter une certaine activité du cerveau particulière. Et dans les deux cas, il y en a un qui va interpréter ben, c'est des hallucinations, il n'y a aucune réalité. Tandis que dans l'autre, au contraire, le chaman qui donne de l'importance au monde des esprits, va partir du principe que c'est un monde qui existe là, en parallèle, par exemple, avec celui physique. C'est pas juste le fruit d'hallucination. Donc, c'est deux façons d'appréhender le même phénomène, ce qui est intéressant. Mais pour en revenir au phénomène de la conscience supramentale, probablement qu'un individu qui canalise des choses vit un état altéré sur le plan psychique, un peu comme le chaman. C'est sûr que dans une certaine perspective, on pourrait parler de canalisation supramentale effectuée par des individus comme étant une forme de néo-chamanisme. Donc, une nouvelle forme de chamanisme et au temps moderne. Donc, de ramener la dimension où ce que l'individu, à travers un état altéré de conscience, ce qu'on va appeler par exemple la pratique de la parole vibratoire, un peu comme le chaman autrefois utilisait le tambour pour induire un état de transe. Bon, ben, si on parle puis on réfléchit pas puis ça participe à induire un état de transe, altéré de conscience lorsqu'on vit l'expérience et on perd la notion du temps et de l'espace. Donc, autrement dit, si un individu expérimente une parole qu'il fait sans réfléchir, sans l'intellectualiser, qui fait appel à sa dimension avec un état altéré de conscience de manière légère, qui peut être évalué par un électroencéphalogramme, et on peut évaluer, c'est sûr aujourd'hui, l'activité des ondes produites par le cerveau. Tu sais, il y a des ondes qui sont alpha, bêta, delta, et ainsi de suite, et il y a un certain niveau d'ondes où l'activité du cerveau est plus au ralenti que l'activité d'éveil. Prenons par exemple quelqu'un qui est sur le bord de s'endormir, mais la personne est encore lucide. Si on la regarde au niveau du yoga, on pourrait prendre l'état que pourrait vivre une personne lors d'une activité de yoga nidra. Donc, lorsque, par exemple, la personne connaît un état de méditation guidée avec visualisation, image, ou carrément un état d'hypnose, finalement, probablement que l'individu qui expérimente la canalisation connaît ce type d'état où la personne peut perdre la notion du temps et de l'espace en étant altéré de conscience, un peu comme le chaman. Et tout ça pour vous dire que, finalement, l'étude que je fais au fil du temps de la conscience, qu'est-ce que c'est, comment que ça se manifeste. Ce que j'en suis venu à la conclusion, c'est que dans un lointain passé, les êtres humains étaient très intuitifs. Prenons par exemple le cas des chamans de différentes tribus. Il y a des traditions millénaires liées aux chamanistes, donc sur plusieurs décennies, là, si on pense entre autres à la Mongolie, où que, traditionnellement il y en avait aussi en Amérique du Sud, et ainsi de suite, qui étaient en contact avec le monde des esprits. Puis par la suite, en lien avec l'émergence de la conscience intellectuelle, le cartésianisme, notamment en Europe, ensuite, ce qui est arrivé avec le mouvement des philosophes des Lumières qui ont toutes contesté les croyances ancestrales, la dimension plus intuitive pour nous amener dans une façon d'appréhender la réalité qui est très intellectuelle et intellectualisante en relation avec le développement d'une science embryonnaire. Une vision du monde mécaniste, matérialiste, et ainsi de suite. Mais cette vision-là, elle a des avantages, des inconvénients. Puis, ce que je perçois en réalité, c'est que la réémergence d'une forme de conscience intuitive peut passer à travers, entre autres, d'un vécu de transe, mais la personne n'a pas à nécessairement à sombrer en lien avec une codification culturelle par rapport à des traditions ancestrales. La personne peut appréhender l'état de transe sans pour autant adhérer à des croyances qui le lient à un passé lointain. Et pourquoi parler de la transe? Parce que la personne qui vit un état de transe, elle peut en tirer profit pour obtenir des réponses différentes à des questions qu'elle peut se passer, elle peut se poser, qui sont insolubles pour l'intellect. Donc, si une dimension d'elle-même qui procède par réflexion n'est pas capable de répondre à certaines questions, bien, la personne peut vivre un état altéré de conscience, consciemment, et obtenir des réponses. En fait, la distinction, puis ça, je trouvais ça intéressant avec les travaux de Corinne Sombrun. Pourquoi je fais référence à elle? Parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube. Si vous faites une recherche par rapport à elle, vous allez tomber sur plein de vidéos. Et au fil du temps, ben constante, ça fait plusieurs années qu'elle travaille sur l'étude des états altérés de conscience, qu'elle appelle la transcognitive, pour prendre une distance là, à l'égard de tous les concepts et les croyances là, ancestrales liées au shamanisme, bien qu'elle étudie le phénomène là, en contexte là, culturel là, en Mongolie. Mais le point, c'est que elle veut aller chercher l'essentiel de tout ça pour avoir une base plus scientifique sur le phénomène. Donc, la personne n'est pas adhérée à des croyances liées au passé pour être capable d'expérimenter un état de transe cognitive. Donc, c'est d'aller à l'essentiel du phénomène que je trouve intéressant. Donc, vivre un état de transe cognitive, à mon avis, ça peut amener un apport intéressant là. Donc, le point que je veux faire en lien avec tout ça, c'est que j'en suis venu à la conclusion que quelqu'un qui ça lui parle intérieurement, c'est l'essence de la conscience supramentale, parce que c'est le résultat d'informations que la personne n'a pas réfléchi. C'est un phénomène qui est indigeste ou qui n'est pas appréhendable d'une perspective matérialiste par rapport à un psychologue ou un psychiatre qui vit, qui baigne dans le cartésianisme, dans le sens que pour lui, c'est de l'état de délire, c'est de l'expression à voix haute d'hallucination, de psychose, parce que le paradigme n'est pas là. Et que j'en suis venu à la conclusion, en fait, par rapport à tout ça, parce que l'une de mes visées, c'était de comprendre le phénomène de la parole vibratoire, de l'appréhender d'une manière scientifique, à la lumière des dernières découvertes en matière de neurosciences. Et les neurosciences ne peuvent pas tout appréhender. Et que le phénomène, ce que j'ai à dire... Ah oui, ce que je voulais dire, puis c'est quand même dur, le constat que je fais, c'est que la personne que ça lui parle intérieurement et qu'elle reçoit de l'information, et l'information qu'elle reçoit va le traduire intuitivement, la distinction entre elle puis une personne qui vit un état de psychose, puis que c'est problématique, puis dysfonctionnel, c'est qu'un peu comme le chaman, si la personne s'est incapable de sortir de cet état-là à volonté, un peu comme le chaman qui est aguerri, qui a une lourde, un peu comme un pilote d'avion, là, qui a une lourde expérience, bon, mais lui, il peut entrer en état de transe, en contact avec le monde des esprits, puis en sortir à volonté, puis c'est le propre de l'individu qui, à mon avis, a intégré sa conscience extra-neuronale ou intuitive, un peu comme le chaman qui peut faire ça. Et les scientifiques à l'heure actuelle, les neurosciences, cherchent à comprendre pourquoi que, par exemple, on va détecter chez le chaman avec électroencéphalogramme, comme je disais tantôt, une activité du cerveau qui est similaire, qui est analogue à quelqu'un qui est en état de psychose. Fait qu'on, ils vont dire, techniquement, le chaman est en psychose, OK, mais pourquoi que le chaman peut sortir de cet état-là à volonté, alors que la personne qui est en état de psychose, parce que c'est suite, par exemple, une psychose toxique parce qu'il a pris de la drogue, ou suite à un choc de vie, une personne vient de perdre son emploi, connaît une rupture amoureuse, puis n'est pas capable de sortir ça par elle-même, puis a besoin d'être sous surveillance en psychiatrie, puis a besoin de prendre la médication pour, comme par exemple, des calmants. Pourquoi qu'il y en a un qui n'a pas besoin d'aller en psychiatrie, prendre la médication pour retrouver un état normal, puis il peut faire ça à volonté, puis l'autre ne peut pas? Bien là, c'est là que ça devient intéressant, puis là, on voit les limites de la science cartésienne. Pourquoi? Bien, parce qu'il y en a un des deux, on va dire que c'est un voyageur psychique aguerri qui a la capacité de gérer sa psyché, puis a la volonté de mettre fin à un état. Tandis que l'autre, il est comme possédé par l'état, ou possédé, si on peut dire, par les perceptions qu'il y a ou la voix intérieure, qui fait qu'il n'en a pas la maîtrise. Et là, ça me ramène au principe de la volonté. Donc, il y en a un qui a la volonté de maîtriser l'état altéré de conscience, tandis que l'autre, il sombre avec l'état altéré de conscience. Et au lieu d'être à l'image d'un cavalier qui va le chevaucher, il est chevauché par lui. Donc, il en est victime malgré lui. Et dans des cas comme ça, bien, c'est ça, si la personne vit un état de psychose très intense, bien là, elle n'a pas d'autre choix que d'aller en psychiatrie. Sauf que le point que je voulais faire, c'est que La personne qui vit un choc de vie, un peu comme en parlait Bernard de Montréal, et a vu un état terrible de conscience, puis elle réalise qu'elle n'a pas de libre arbitre, puis ça lui parle intérieurement, puis elle reçoit de l'information intuitivement qu'elle va traduire en mots, en comprenant qu'il y a une dimension d'elle-même qui lui échappe. Ben, la personne qui vit cet état altéré de conscience-là, puis qu'elle a ces perceptions-là, puis est capable de composer avec ça intelligemment, c'est pas donné à tout le monde. Et j'ai l'impression que ce qui est arrivé au fil du temps, c'est que certaines personnes qui ont réussi à avoir une volonté oppositionnelle par rapport aux éléments qui émergent en elles, que ce soit la voix intérieure, image, perception, qui sont issues de sa psyché, mais qu'il y en a très peu qui réussissent à le faire, puis beaucoup de gens vont sombrer dans des états psychoses, devenir dysfonctionnels, voire se suicider. Et à mon avis, dans le fond, par rapport aux gens qui parviennent à la conscience supramentale intégrée, dans le sens intégrée la dimension intuitive, un peu comme le chaman en Mongolie, puis pouvoir dire je mets fin au contact ou la réception d'informations extra, la conscience extra-neuronale, comme en parlerait Charbonnier, ça ne court pas les rues. Puis qu'à quelque part, beaucoup de gens vont sombrer dans la psychose, devenir dysfonctionnels, puis ils ne feront pas d'usage créatif des informations ou de leur contact en relation avec les informations qui leur donnent accès à l'état altéré de conscience. Puis ça va les désavantager. C'est un peu comme un couteau à deux tranchants. Quelqu'un qui a un pied en contact avec des perceptions extra-sens physiques. Bon, mais ces perceptions-là peuvent le submerger puis amener la personne à être totalement dysfonctionnelle, puis être capable de travailler, puis être capable de s'occuper de ses enfants, puis être capable même de s'alimenter. Et il y en a d'autres, au contraire, qui peuvent bénéficier de ces perceptions-là pour avoir une compréhension de la réalité augmentée. Et c'est, à mon avis, l'individu qui entre en contact avec ses perceptions, l'usage intelligent qu'il doit en faire, c'est-à-dire l'usage qui est créatif, un usage qui lui permet de se réorienter dans une compréhension plus multidimensionnelle de lui-même. Mais très peu arrive là. Et avec le temps, ce que j'en suis venu à la compréhension, c'est que ce choc-là, moi, je pars du principe, dans mon vécu, comme il y a des expériences de synchronicité et autres, je pars du principe qu'il y a de l'intelligence par-delà la dimension physique du cerveau. Il y a des réseaux psychiques qui interrelient les gens. Et que, à quelque part, il y a une infime quantité de personnes qui réussissent à être en contact avec des perceptions qui les relient à des champs d'énergie. Les sortes d'une compréhension purement intellectuelle pour avoir une compréhension plus intuitive, médiumique, et qui réussissent à composer intelligemment avec ça. Et l'initiation fondamentale que vit la personne en lien avec la conscience supramentale, c'est d'être capable de composer avec un flot de très grandes quantités d'informations à caractère intuitif, sans craquer, sans sombrer dans la folie. Sans devenir dysfonctionnel, et à mon avis, peu de personnes y arrivent, ce qui fait qu'il y a peu de personnes qui sont capables de composer avec ce type d'information-là, tout en étant capables d'être fonctionnel dans le quotidien. Donc, ma compréhension de tout ça, c'est que peu de gens passent à travers le processus, puis il n'y a rien à faire. Dans le sens que c'est un processus qui est individuel. Quelqu'un peut comprendre le processus à un certain niveau, un peu comme le chaman en Mongolie. Il peut faire des rituels. Oui, il y a des gens qui peuvent être initiés à des rituels de chaman, mais ça ne veut pas dire nécessairement que l'individu qui est initié au rituel, qui va être capable de mettre fin à un état de transe quand il veut. Il y a des gens d'ailleurs qui l'échappent. Il y a des gens qui font ils utilisent la drogue pour entrer en état de transe, l'ayahuasca. En Amérique du Sud, bon, ben, il y en a que ça tourne mal. Tu sais, c'est une réalité. C'est sûr que moi, je ne ferai jamais la promotion de la drogue. Et dans le fond, ce que je dirais par rapport à ça, c'est que si la personne vit des chocs de vie malgré elle, qu'elle n'a pas choisi, et qu'elle est confrontée à des perceptions qui dépassent purement l'intellect. C'est vraiment sa façon, en tant que conscience individuelle, de gérer ça qui va déterminer si ça va sombrer ou non dans la folie et si finalement ces perceptions-là vont être plus nuisibles ou utiles à sa vie. C'est en fonction de chacun. C'est vraiment du cas par cas. Puis, qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à tout ça? C'est que les gens de science, finalement, au niveau de l'intellect, tant qu'ils n'auront pas vécu un état altéré de conscience qui leur font goûter à, par exemple, une perte de la notion du temps, de l'espace, un état de transe, ben, ils peuvent pas nécessairement savoir c'est quoi à 100%, ce qui fait que leur appréhension du phénomène sera toujours imparfaite sans avoir un vécu expérimental en proportion. Comme c'est un état qui se vit d'une manière individuelle, ben, c'est l'individu qui expérimente ces perceptions-là ou cette perception de sa voix intérieure qui lui dit des choses, qui a composé avec ça sans le support du collectif. Puis, est-ce que c'est vraiment quelque chose de souhaitable à vivre? D'être en contact avec différentes perceptions intuitives, à caractère médiumique, au-delà du plan physique, on reçoit différentes informations, qui des fois, c'est des informations concernant des gens, puis il y a des concours de circonstances qui sont confirmés, où on a l'idée d'appeler quelqu'un, la personne nous appelle. Est-ce que ça améliore vraiment notre sort? Pas nécessairement. Et ça, c'est peut-être un petit peu la grande déception que je vis au fil du temps, parce que depuis plusieurs années en tant qu'ego, par rapport aux perceptions que je peux avoir de gens de manière ponctuelle à distance, j'ai voulu opérationnaliser ça, dans le sens des fois j'ai déjà fait des tests pour voir à quel point, par exemple, si on prend le jeu de cartes de Zener, on peut deviner quelle carte va sortir, ainsi de suite. Des fois, on peut vouloir consciemment, en tant qu'ego, avoir un résultat, mais ça ne marche pas nécessairement. Et parfois, on ne veut pas de résultat, puis on en obtient un, ce qui est contrariant. Dans le sens que des fois, on veut avoir accès à une information. Avec notre volonté, on n'y a pas accès. Puis des fois, on ne cherche pas à avoir accès à de l'information sur des personnes ou des détails leur concernant, puis on a accès aux informations sans faire d'efforts. Et là, on en vient à la conclusion qu'à quelque part, c'est comme si c'est un jeu qui nous lie à des forces qui nous échappent. Certains vont dire, ben, lorsque le canal est ouvert, on capte toutes sortes de choses sans qu'on l'ait décidé. Un peu comme la pensée. Si on part du principe que la pensée vient d'ailleurs, bon, ben, à ce moment-là, on peut intercepter un peu comme un radio, des chaînes de radio qui ne font pas nécessairement toujours notre affaire. Un petit peu comme, par exemple, on va capter une émission de radio où il y a des publicités et qu'on entend une fois, puis par la suite, sans le vouloir, ben, on va réentendre la publicité à différents moments de la journée sans que consciemment on l'ait décidé, parce qu'on est imprégné par l'idée. C'est un petit peu le même principe. Donc, par rapport à tout ça, j'en viens à la conclusion qu'on est manipulé par un contact avec un champ de réalité qui nous lie au tout. Et c'est sûr qu'en tant qu'ego, je cherche à tirer mon épingle du jeu, c'est-à-dire comment manipuler le système à mon avantage. Pourquoi? Ben, parce que c'est plate de subir des choses tout le temps à sens unique. Et c'est très contrariant, dans le sens que si on vit des événements désagréables dans notre vie, ben, à un moment donné, ça devient comme légitime de vouloir tirer la couverte de son côté, si on peut dire. Des fois, j'ai voulu faire des choses, puis ça a eu des résultats. Des fois, ça n'a pas de résultats, mais comme il n'y a pas de constance à 100% du temps, je me sentirais très mal à faire payer des gens pour des ateliers là, en lien avec ça. Et des fois, je regarde les gens qui... c'est leur affaire, tu sais, ils vont vendre des ateliers, etc. Par contre, je peux pas dire que ça n'existe pas, et ça fait partie de mes malaises, dans le sens que je perçois qu'il y a une dimension autre que la réalité physique qui existe, compte tenu des différents événements que j'ai vécu depuis mon enfance. Donc, je peux pas nier que ça existe, mais en même temps, je suis pas capable d'opérer cette réalité-là à 100%. Mais je sais que je peux avoir d'incidence sur elle, mais à un certain niveau. Là, c'est sûr que je fais différents tests au fil du temps. C'est ça qui est un petit peu tordu. Fait que la réalité dans tout ça, qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à la réalité? Ben, je vois pas l'individu comme étant une victime, mais de la réalité, mais je le vois pas non plus comme étant quelqu'un qui a juste à vouloir pour pouvoir. C'est pas aussi simple. Donc, il n'est pas responsable de tout ce qui lui arrive, mais en même temps, il y a une incidence sur qu'est-ce qui lui arrive. De trancher ou de mettre des limites nuancées par rapport à tout ça, c'est pas nécessairement évident. Sinon, d'une certaine perspective, je repensais entre autres à des gens comme Bernard de Montréal. Bon, mais si le gars, au lieu d'être né au Québec, il aurait été né en Mongolie, probablement que ce gars-là serait devenu un chaman et la parole vibratoire, ça aurait été tout simplement l'utilisation d'une parole lorsqu'il est en état de transe devant une tribu. Et aujourd'hui, la tribu, ben, c'est quoi? C'était les gens qui assistaient à des conférences. Et là, aujourd'hui, on est rendu avec des regroupements sur le web, sur les réseaux sociaux. Dans un certain sens, c'est la forme 2.0 de la tribu, hein? Les groupes de discussion sur Facebook où il est question de conscience supramentale. Mais c'est l'extension du concept ancestral de tribu où des gens, par exemple, allaient se réunir alentour d'un chaman pour bénéficier de sa parole, de ses états de transe, pour différents motifs, interférer avec les dieux. Avoir des guérisons. Aujourd'hui, quelqu'un peut faire une consultation à une autre personne pour bénéficier de sa parole. Et la personne qui canalise, qui est censée être en contact avec l'esprit, ce qu'autrefois les gens allaient dire Dieu ou une entité à quelque part divine, ben c'est un petit peu le même principe du chaman qui interférait entre l'être humain et le monde des esprits. Dans le domaine de la psychanalyse, on va dire que c'est d'une manière symbolique, par exemple, l'individu qui, le chaman, va faire la médiation entre la dimension consciente et inconsciente de l'individu, entre le moi empirique et le soi transcendant, d'une certaine façon, entre l'ego, qu'on va dire, et l'esprit, qui sont des composantes de l'individu. L'ego peut s'appréhender de manière rationnelle, logique, l'esprit d'une manière purement intuitive, par-delà la réflexion, dans un état de perception sensible et globale. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que la personne peut utiliser sa parole pour faire de la médiation intra-psychique en différentes parties d'elle-même, pour mieux appréhender certaines réalités. Si je parle, puis à un moment donné, j'ai un état altéré de conscience, ça se peut qu'à voix haute, il me vienne en tête des idées auxquelles je n'aurais pas accès si je serais purement en état de réflexion. Et qu'est-ce que ça apporte, l'état de transe, quand je regarde ça? Bien, ça apporte des réponses, dans certains cas, originales à des questions que l'ego ou la conscience, si on peut dire, réflexive et analytique, n'a pas accès. La conscience analytique va prendre en considération différents paramètres, elle va jongler avec des données, mais la conscience analytique, elle n'aura pas une compréhension globale de la réalité. Tout ça pour dire quoi? Ben, si la personne a vu une forme, ce qu'on va appeler, de contact avec l'esprit, ou en dimension psychanalytique, de contact avec sa dimension inconsciente ou subconsciente, où des éléments peuvent émerger, ben, si la personne vient en contact avec ça, elle doit gérer ce contact-là intelligemment pour pas être submergée par lui, mystifiée, fascinée. Puis en même temps, ben, s'il y a des idées intelligentes, puis c'est intelligent, comme dirait Bernard de Montréal, ben, pourquoi pas bénéficier de cette intelligence-là pour bonifier sa vie, l'agrémenter, pour avoir une existence qui est agréable. Ça, c'est dans le meilleur des cas pour l'utilisation pratique. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui arrivent à ce niveau-là. Et puis, qu'est-ce que j'ai à dire? C'est purement un approvisionnement, apprivoiser. Oui, la personne doit apprivoiser différents aspects de lui-même pour pas se blesser par rapport à eux. Puis ne pas être mystifié aussi par elle-même. La dimension intuitive de l'individu de ne pas servir à le mystifier, la personne de ne pas mettre la dimension intuitive de lui-même ou ce que certains vont appeler le contact avec l'esprit, avec une dimension qui est par-delà la réflexion qui lie la personne au tout. Donc, de ne pas la mettre ça sur un piédestal au-dessus d'elle-même, parce que sans ça, ben, elle risque de se perdre dans le processus. Et là, à ce moment-là, il y a des gens qui vont sombrer dans des états de psychose, naturellement. La personne va entendre une voix puis donner une préséance à sa voix sur sa capacité à la contester. Donc, elle ne pourra pas sortir de ce type d'emprise-là intra-psychique qu'elle peut connaître avec le surgissement d'informations en elle. Donc, elle va en être la victime, là, naturellement. Mais tout ça revient à quoi? Elle revient à de la gestion intra-psychique comme élément fondamental. Mais j'ai l'impression que peu de gens connaissent ça ou vont y arriver. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre par rapport à ça? Il n'y a aucun espoir, en fait, que j'ai par rapport que le collectif passe à la conscience. Puis plus que le temps passe, je suis rendu à 42 ans. Ma mère a dit, ah, à 20 ans, t'es naïf, tu penses que tu peux changer le monde ou que le monde va changer. Et je réalise que non. Les gens sont régis par des forces habituellement qui les échappent, qui ne maîtrisent pas. Ils sont pas comme des chamans qui peuvent sortir de l'état psychose quand qu'ils veulent. La preuve, ben, il y a plein de monde qui se ramasse en psychiatrie ou qui se suicide. Ça fait partie de la vie. Les gens sont submergés par des forces qui les amènent dans des états qui sont délétères pour eux, malgré eux. Et puis, il n'y a pas grand-chose à faire. On a juste constaté que c'est des réalités. Faut chercher naturellement pour subir ces réalités-là, tout simplement. Sinon, dans des considérations très différentes du propos d'aujourd'hui, voulais mentionner qu'il y a plusieurs jours, parce que je voulais revenir là-dessus, puis je ne l'ai pas fait, j'ai mis en ligne des enregistrements que j'avais faits il y a très longtemps, d'hommage au groupe de musique Moby, Goldfish, Nirvana. Je les avais mis en ligne et puis je les avais enlevés. Puis là, j'ai décidé de les remettre parce que c'est important, à mon avis, d'écouter de la musique. Et je vais vous partager aussi le lien web, ce que je trouve intéressant dans un registre très différent, là, par rapport à. Il y a sur YouTube, ça s'appelle musicyoutube.com, il y a des listes de lectures de musique. Et la façon que sont faites les listes, c'est qu'on peut chercher une playlist par rapport à un artiste et on va avoir de la musique de cet artiste-là, chose que je m'attendais, mais par la suite, il y a un algorithme qui auto-génère de la musique dans le même style que l'artiste. Donc, moi, si j'aime le groupe Goldfish, j'ai fait le test, j'ai marqué Goldfish. Au début, on a de la musique du groupe Goldfish, puis par la suite, on a d'autres type de musique dans le même style et ça s'auto-génère à l'infini. J'ai écouté ça pendant plusieurs heures, je trouve ça intéressant. Donc, je trouve ça très divertissant. Et je vais vous partager le lien web, en fait, de la liste de lecture de Claude Rajotte, qui a été un animateur de radio et de télévision ici au Québec, là, dans le domaine de la musique pendant plusieurs décennies. Ça a été quelqu'un que j'ai écouté pendant plusieurs années là, sur les ondes de Musique Plus, un critique de musique. Et il a fait beaucoup de listes de lecture. Je trouve ça intéressant qu'on ait accès à ça. Puis c'est gratuit. Donc, vous allez sur YouTube Musique. Je vais vous donner le lien web particulier de la playlist de Claude Rajotte. Parce qu'au fil du temps, il m'a fait découvrir plusieurs artistes. Et notamment là, la musique électronique là, contemporaine, qu'est-ce qui se fait présentement. Et s'il y en a qui s'intéressent, donc vous allez avoir le lien web là, par rapport à ça en bas de cette vidéo. Pourquoi que je parle de musique? Parce que ça fait du bien pour changer les idées. Je trouve le contexte planétaire présentement déprimant, en lien avec la guerre en Ukraine, la récession sur le plan économique. On nous parle constamment de l'augmentation des coûts de la nourriture, la nourriture qui augmente, qui augmente, qui augmente depuis 2022. Je trouve ça tannant, je trouve ça contrariant. Et j'en viens à la conclusion que s'il y a des gens qui vivent un choc de vie qui les amène à entrer ce qu'un psychiatre va appeler en psychose ou un chaman avec le monde de l'esprit, le monde des esprits, ou un état de conscience altéré qui lui permet d'interagir avec sa voix intérieure ou plusieurs présences ou entités. Ben, la plupart n'arrivent pas à gérer ça d'une manière intelligente, puis ça tourne mal pour beaucoup de personnes. Et moi, j'ai l'impression qu'en réalité, c'est-à-dire que le mariage, si on peut dire, entre l'esprit et le moi, ou entre la dimension intuitive et rationnelle de l'individu, peu de personnes y arrivent consciemment. Les gens ne sont pas préparés ou habitués à composer avec cette réalité-là. Ça fait partie de la vie, donc peu de personnes n'y arrivent, et c'est ainsi. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien qui peut être changé. Et si des gens doivent vivre des chocs abominables, connaître la guerre en Ukraine, puis je regardais récemment une vidéo où ce qui était question là, de toutes les bavures militaires qui avaient cours en Ukraine avec les Russes, puis là, il y avait des enfants qui étaient kidnappés de l'Ukraine par des Russes pour les amener en Russie, et ainsi de suite, là, qui étaient décriés, les bombardements des civils, des cas de viol, un paquet d'atrocités. Mais si les personnes n'ont pas accès à une conscience intuitive par elles-mêmes, puis elles doivent passer par des chocs traumatiques pour peut-être développer une conscience intuitive ou plus vaste d'elles-mêmes, pour monter en puissance dans certains cas, si les gens ne sont pas dans folie, c'est un processus qui est très tordu quand que je regarde ça. Et par la suite, qu'est-ce que j'ai à dire? Ben, en fait, pourquoi que je fais des enregistrements finalement? L'une des fonctions des enregistrements, c'est d'intégrer ma réalité. Ensuite, d'être capable d'intégrer le contexte dysfonctionnel dans lequel je me trouve au niveau planétaire. Et je considère que les gens qui n'ont pas fait l'intégration de la dimension intuitive et intellectuelle d'une manière intégrale, sans être dominés par l'intellect au détriment de l'intuition ou vice-versa, mais qui font la synthèse des deux une intelligente, si les gens ne sont pas capables de faire les deux, ben ils sont coupés d'une partie de l'intelligence. Quelqu'un est coupé de la dimension intuitive, il n'est pas complet. Puis s'il est coupé de la dimension intellectuelle, il n'est pas complet non plus. Il faut qu'il soit capable de faire une synthèse intelligente des deux, puis très peu y arrivent. Et l'éducation occidentale nous amène juste à fonctionner essentiellement avec l'intellect. Hein, quand on regarde le développement des mathématiques, qui a été très fort, l'esprit de logique en philosophie, ben, c'est de l'intellect. Le côté intuitif, on donne pas des cours aux jeunes pour maîtriser le tambour, puis la transhypnotique ou le chamanisme habituellement. Je dis pas nécessairement de faire ça parce qu'il peut y avoir de la dérive sectaire en relation avec ça. Il y a des nuances à faire, tout ça c'est extrêmement délicat. Mais la société prédispose pas à l'émergence d'individus intégrales. Et à quelque part, elle n'a peut-être pas nécessairement intérêt, parce que si les gens fonctionnent juste avec l'intellect, ben, on les contrôle avec des raisonnements. Si la personne est capable de se connecter à une dimension d'elle-même qui lui donne accès à une intelligence créative ou une intelligence qui est au-delà de l'intellect, ben, c'est pas sous le joug de l'intellect, donc elle perd le contrôle sur lui. Si l'individu devient créatif parce qu'il est en contact avec sa source, la dimension extraneuronale dont parle Charbonnier, donc la conscience qui part de là, de la dimension intellectuelle, ben, ça fait un individu qui est en dehors du système intellectuel, donc il n'est pas sous son joug, donc c'est pas intéressant parce que l'individu est libre de la programmation ou de la propagande qui s'effectue à ce niveau-là. Mais peu de gens y arrivent. Et peu de gens y arriveront. C'est ainsi, c'est comme une fatalité. Et la personne qui y arrive, elle doit composer avec cette réalité-là sans sombrer dans la psychose, sans sombrer dans des perceptions qui l'amènent à avoir une vision de la réalité déformée, puis elle peut être capable de fonctionner au quotidien, ce qui est un tour de force. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que il n'y a pas de conscience au-delà d'intellect sans choc de vie. Quelqu'un pourrait écouter des millions de vidéos qui parlent de conscience supramentale ou discuter avec ça, ça donne à rien dans ce sens-là. Ça prend un véhicule en lien avec des chocs, puis une intégration du poids des chocs, dans l'optique que ça amène, ça débloque une capacité de l'individu, si ce n'était pas déjà fait, à développer une plus grande capacité d'introspection, d'être en contact avec sa voix intérieure et composer avec elle avec intelligence et discernement. Donc voilà, je vais conclure là-dessus. Je ne sais pas trop comment conclure, mais ce qui est fondamental, c'est la capacité, à mon avis, de discernement. Peu importe le vécu de l'individu. Parce que c'est ce qui, ultimement, à mon avis, est garant de son intégrité psychique. Donc, c'est ce qui complète la vidéo. Merci de votre écoute. Puis en passant, je mets le lien là, par rapport à la chaîne de musique de YouTube là, auquel je fais référence, là, avec des playlists, des algorithmes. C'est intéressant, là. Tu sais, la plupart des artistes populaires, vous allez avoir plein d'autres artistes dans le même style qui jouent. En activant une playlist, puis à intervalles réguliers, ben, comme mettons le groupe que je parlais, c'était Goldfish, peut-être aux 5 chansons, il y a une chanson de Goldfish, ensuite 4 artistes un peu dans le même style, on leur vient avec du Goldfish, et ainsi de suite. Fait que moi, ça m'aide à me changer les idées, puis ça me donne de la joie de vivre. Puis quand que je veux être heureux, ben, qu'est-ce que je fais? Je ferme le téléviseur, puis j'arrête d'écouter les. Ou devrais-je dire l'ordinateur, parce que la TV, je l'écoute pas vraiment, mais j'arrête d'écouter les nouvelles, puis. Les stupidités. Tu sais, moi, je considère qu'on est dirigé vraiment par des imbéciles. En 2023, ça m'a mis en colère. J'ai appris dans un bulletin de nouvelles que le gouvernement du Canada s'est réveillé. Justin Trudeau a annoncé que les fonctionnaires ont plus le droit d'avoir l'application TikTok sur leur téléphone intelligent parce qu'ils pouvaient avoir de l'espionnage chinois qui se ferait à partir de ce logiciel-là. Hey, calice, on nous prend-tu pour des épées? Ils viennent de découvrir ça en 2023. Je veux dire, les applications sur les téléphones intelligents, ça fait longtemps que ça existe, là, les téléphones cellulaires, puis tout ça. Il y en a, à mon avis, calice, j'ai l'impression, des fois, ça me met en colère que je suis dans un monde d'arriéré mental. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça me contrarie. Vous êtes donc bien stupide. À mon avis, moi, la façon que j'aurais vu ça, c'est très simple. À mesure que tu as une application que tu peux avoir sur le téléphone intelligent, il y a possibilité que l'application, notamment qu'une interface de reconnaissance vocale, si on pense à OK Google ou Siri, bon, ben, qui peut capter des données, ben, s'il y a d'autres applications, ils peuvent capter des données. Et moi, je pars toujours du principe que toutes les informations qu'on peut entendre sur un ordinateur ou un téléphone intelligent qu'on peut voir peuvent être capturées par un logiciel espion. Pour moi, c'est l'évidence même. Ou par l'individu qui est devant l'ordi. Puis là, il se réveille en 2023 en disant, ah, on va enlever TikTok, Chris. S'il serait vraiment intelligent et. La minute que tu donnes un téléphone à des gens qui ont des informations sensibles comme des hauts fonctionnaires, tu leur dis aucune application. Et pas de TikTok, pas de Facebook, pas de Twitter, parce que toutes ces applications-là peuvent être piratées, il peut y avoir des logiciels malveillants, puis tu as même la compagnie en tant que telle qui va élaborer des profils d'utilisateurs. Par exemple, en surveillant les déplacements des individus, avec Google, bon, mais ben, on peut savoir en temps réel l'individu il est où, il s'est déplacé pendant combien de temps avec son téléphone intelligent, si le téléphone est muni d'un GPS, tu sais. Puis là, il se réveille avec ça, Justin Trudeau, là, puis il fait un point de presse. Hey, Chris, on a arrêté. C'est comme. Comment on appelle ça? C'est comme de montrer la face visible de quelque chose de malveillant quand l'ennemi a gagné. C'est aussi stupide que ça. Je pense, je sais pas si, comment dire. Des fois, je me questionne pour qui travaille, Justin Trudeau. T'sais, il se réveille notre premier ministre du Canada, il se réveille en 2023, hein, il y a une menace là. Ouais, mais ça fait peut-être depuis l'invention du cellulaire et des logiciels d'application qu'il y en a déjà une là. C'est juste qu'il se rend compte de ça trop peu, trop tard. Tu sais, en tout cas, ça fait partie de son expérience, du collectif. On vient de découvrir ça en 2023. Mais ça fait des décennies que la Chine espionne le Canada puis d'autres pays. Puis s'ils réussissent, ils vont enlever TikTok, mais ah, Les fonctionnaires, ils peuvent mettre WhatsApp ou ils peuvent mettre Facebook ou Twitter. Fait que finalement, ben, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les logiciels d'espionnage vont utiliser d'autres applications sur le téléphone, puis finalement, ça va revenir au même. T'en bloques un, mais si la personne est plus sur TikTok, mais elle va être sur davantage sur Facebook ou d'autres choses. Ben, finalement, elle peut être espionnée autrement. C'est juste que on va insérer des logiciels d'espionnage que la personne ne sait pas qu'elle a malgré elle à travers des applications de réseaux sociaux, puis on va l'espionner. Tu sais, t'en enlèves un, puis la personne en met 30 à la place. Elle va être espionnée de 30 sources différentes. On ne règle pas le problème. Bon, ça fait partie de la bêtise humaine. Je vais me changer les idées, là. Je vais aller écouter un peu de musique que je vous parlais là, sur YouTube Music. Donc là, c'est vrai, là, je suis complète. Là. Vous allez avoir le lien web là, en bas de l'enregistrement. Puis écoutez, d'écouter des fois de la musique qu'on aime, ça nous sort de la bêtise puis de la stupidité de notre civilisation. Bye bye, bonne fin d'écoute, à bientôt.